Josué chapitre 3. Or Josué se leva de bon matin, ils partirent de Sittim, ils vinrent jusqu'au Jordan, lui et tous les enfants d'Israël, et ils logèrent là cette nuit, avant qu'ils passassent. Et au bout de 3 jours les officiers passèrent par le camp, et ils commandèrent au peuple en disant, « Sitôt que vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, et les sacrificateurs de la race de Lévi qui la porteront, vous partirez de votre quartier, et vous marcherez après elle. Et afin que vous n'approchiez point d'elle, il y aura entre vous et elle une distance de la mesure d'environ 2000 coudées, afin que vous connaissiez le chemin par lequel vous devez marcher, car vous n'avez point ci-devant passé par ce chemin. » Josué dit aussi au peuple, « Sanctifiez-vous, car l'Éternel fera demain, au milieu de vous des choses merveilleuses. » Josué parla aussi aux sacrificateurs, en disant, « Chargez sur vous l'arche de l'Alliance, et passez devant le peuple. » Ainsi ils chargèrent sur eux l'arche de l'Alliance, et marchèrent devant le peuple. Or l'Éternel avait dit à Josué, « Aujourd'hui je commencerai de t'élever à la vue de tout Israël, afin qu'ils connaissent que comme j'ai été avec Moïse, je serai aussi avec toi. Tu commanderas donc aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance, en leur disant, « Sitôt que vous arriverez au bord de l'eau du Jourdain, vous vous arrêterez au Jourdain. » Et Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez-vous d'ici, et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. » Puis Josué dit, « Vous reconnaîtrez à ceci que le Dieu fort, et vivant, est au milieu de vous, et qu'il chassera certainement de devant vous les Cananéens, les Éthiens, les Éviens, les Phéréziens, les Gergasiens, les Amoréens, et les Jébusiens. Voici, l'arche de l'alliance du dominateur de toute la terre, s'en va passer devant vous au travers du Jourdain. Maintenant donc choisissez 12 hommes des tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et il arrivera qu'aussitôt que les plantes des pieds des sacrificateurs, qui portent l'arche de l'Éternel, le dominateur de toute la terre, seront posées dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux, dis-je, qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Et il arriva que le peuple étant parti de ses tentes pour passer le Jourdain, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, étaient devant le peuple. Et sitôt que ceux qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que les pieds des sacrificateurs, qui portaient l'arche furent mouillés au bord de l'eau, or le Jourdain regorge par-dessus tous ses bords durant tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendaient d'en haut, s'arrêtèrent, et s'élevèrent en un monceau fort loin, depuis la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan, et celle d'en bas, qui descendait vers la mer de la campagne, qui est la mer salée, défaillirent et s'écoulèrent, et le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Mais les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passa à sec, jusqu'à ce que tout le peuple, eut achevé de passer le Jourdain.